Bonjour, ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin et fier partenaire de la Véloroute des Bleuets. J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est offerte afin de souligner le 20e anniversaire de la Véloroute des Bleuets. Ce produit touristique majeur du lac Saint-Jean est une belle réussite et un beau travail de concertation des municipalités qui accueillent cette infrastructure. Je félicite toutes les gens qui, de près ou de loin, ont fait de ce produit ce qu'il est aujourd'hui. C'est plus de 200 000 personnes provenant de partout au Québec et ailleurs qui profitent de cet aménagement. Si vous n'avez pas eu encore l'occasion de sillonner cette magnifique route de vélo qui ceinture notre beau lac Saint-Jean, je vous invite chaleureusement à le faire. Merci. Parlons boxe maintenant. On sait qu'il y a un combat extrêmement important qui va avoir lieu samedi soir. Joe Smith va affronter Edson Alvarez. C'est un combat éliminatoire. Le gagnant devrait se battre en combat de championnat du monde. On en parle avec notre ami Bernard Barré. Salut Bernard. Hey, bonjour Jeannie. Bernard, d'abord, c'est un combat important et Edson Alvarez, si je me rappelle bien, dans son dernier combat, il avait quand même été beaucoup plus agressif, beaucoup plus instinctif que lors du combat qu'il avait perdu son titre, là. Oui, absolument. Contre Michael Shields, on peut dire qu'il avait livré la marchandise et il avait passé, écoute, cette nomination comme un des meilleurs knockouts de l'année sur la scène internationale. Puis Sills, c'était pas le dernier venu, là, il avait 24 victoires, 2 défaites, et c'était quand même une grosse pointure dans la division de poids. Et Alvarez, ben, il a prouvé par cette victoire spectaculaire qu'on doit compter sur lui là, pour un retour en championnat du monde. C'est pour ça que là, avec son combat qu'il va avoir contre Joe Smith Jr., ben, il est à une victoire de retourner en combat de championnat du monde. Et on sait que ce titre-là, lui, a déjà appartenu. OK. Est-ce que c'est un combat le match-up se fait bien? Écoute, c'est sincèrement, on ne peut pas demander mieux. Là. Quand on parle de mariage de style, Danny, Joe Smith, ça ne peut pas être plate, un combat avec Joe Smith. Ce gars-là, c'est un gladiateur. C'est un gars qui combat comme c'est le pied dans le tapis. Il est conscient, lui-là, qu'il est quand même limité au point de vue technique. Donc, il ne veut pas jouer au plus fin. Et c'est un boxeur qui est puissant. De ses 25 victoires, il y a seulement 3 défaites. Il y en a 20 par knockout. Mm. Et les knockouts, là, on peut dire que c'est spectaculaire. On a juste à penser que c'est lui qui a mis fin à la carrière de Bernard Hopkins en le passant à travers les cadres. Et puis, il y a d'autres combats aussi. Là, André Santara, en début de combat, premier round, il avait envoyé un violent knockout. C'est un boxeur qui est très, très dangereux. Il est plus puissant que la moyenne dans la division de poids et il sert de ça pour éventuellement sortir le marteau. Donc, pour Alvarez, ça va être important pour lui de ne pas jouer au bras. Là. C'est pas d'être capable de se planter là, deux pieds dans le milieu du ring, puis de dire le premier qui va tomber. Alvarez a beaucoup trop d'expérience et de talent. Donc, il n'a pas intérêt, lui, il est mieux d'attendre sa chance. Mais il y a une chose qui est certaine, Danny. Une chose qui est certaine, c'est qu'en début de combat, Alvarez devra se faire respecter. Il devra se faire respecter. Puis Alvarez est capable de se faire respecter. C'est un boxeur, lui aussi, qui a une bonne plaque. De ses 24 victoires, il en a 12 par knockout. Il est capable de faire mal. Défensivement, il est bon. Il va souvent aller chercher ses knockouts à la fin de combat. Puis en fin de combat, tout le monde a ralenti un peu, mais Alvarez a encore cette puissance-là. Mm. Mais là, il va avoir besoin de trouver cette puissance-là en début de combat pour calmer le pompon un peu à Joe Smith, qui, lui, va être après lui tout le temps, va voir le mort, là. Oui, effectivement. Puis Alvarez, c'est un gars qui est bon défensivement aussi, là. C'est bon contre-attaquant. Donc, pour lui, là, Alvarez, il ne peut pas demander mieux qu'un adversaire comme Joe Smith. Là. Il n'aura pas besoin de faire le smart à essayer de courir après pour le mêler. Là. Joe Smith, il va s'en venir en ligne droite et il va vouloir y casser la gueule. Donc, à ce moment-là, Alvarez, des boxeurs comme ça, c'est supposé être du bonbon de par son style de contre-attaquant, d'être capable de jouer, de se donner des armes et tranquillement, pas vite, ben là, d'avoir une bonne défensive, bloquer des coups. Alvarez est considéré comme un bon boxeur défensif. Donc, de ralentir le rythme du combat, obliger Joe Smith à un moment donné à le respecter et éventuellement ben là, d'être capable de le contrôler pour aller chercher des rounds. C'est sûr que pour les 2-3 premiers rounds, 4 rounds, ça va être super spectaculaire et super dangereux pour Alvarez. Est-ce que tu penses que ça pourrait être difficile pour le fait que la boxe n'est pas déconfinée, est-ce qu'il part avec un désavantage ou ça n'a rien à voir? Non, ben, écoute, tout le monde est dans le même bateau. Là, si on se dit, bon, Alvarez, il est au Québec, il n'a pas pu faire de combat d'entraînement. Regarde, on ne sait pas ce qui se passe quand les portes sont barrées dans un gymnase. Mais tu connais Mark Ramsey, tout le monde connaît Mark Ramsey. Ouais. C'est un des meilleurs entraîneurs sur la planète. Donc, lui, c'est ce qu'il a à faire pour préparer son boxeur. Tu sais, puis il ne va pas sortir, il ne va pas ouvrir les portes pour ouvrir les châssis pour dire, regardez ce qu'on fait. Mais je pense qu'il a fait ses devoirs. Alvarez est en très bonne condition physique. Des fois, on a été déçus là, à sa revanche avec Kovalev. Là. On a vu que wow, il a manqué de jus. Mais là, c'est pas le cas. Mark Ramsey a déclaré que la préparation d'Alvarez est à son meilleur. Et tout, de toute façon, s'il veut retourner en combat de championnat du monde, on sait qu'il y a une autre demi-finale là, entre les Russes, Vlasov et Salamov. Donc, il n'y a pas moyen de s'en parler, lui-là. Puis, il ne rajeunit pas non plus là, au milieu de la trentaine. Donc, pas de temps à perdre. Là. Pour lui, c'est probablement le combat le plus important en carrière parce qu'une défaite, ce serait très difficile. Ben là, c'est sûr que rendu là, c'est toujours des combats le plus importants. Hein. Tu sais, quand il a battu Kovalev, le premier coup, il est devenu champion du monde. Il est devenu un héros dans son pays, en Colombie. Il a été reçu à tapis rouge partout. Mais là, tu sais, quand tu as goûté à ça, tu veux retourner là. Puis là, c'est des années payantes. Là. Les Milo, c'est une division de poids sur la scène internationale qui est prestigieuse. Donc, de retourner dans le siège du conducteur avec tous les champions qu'actuellement il y a à on a juste pensé à Jean-Pascal, là. On a pensé à Bivol, tu sais. Donc, de retourner là, ce serait wow, là, ça serait super pour lui là, d'avoir l'occasion de se frotter à ces gars-là puis d'aller chercher des bourses monstrueuses. Oui, effectivement. Donc, ta prédiction dans ce combat-là? Moi, je pense que ça va être difficile en début de combat pour Alvarez, là, parce qu'il va avoir de la difficulté physiquement, même si Alvarez est quand même fort. Il va avoir de la difficulté un peu avec Joe Smith, qui va bien pareil, qui va se sentir comme un malade, qui va être le boxeur offensif. Mais je pense que plus le combat va avancer, plus Smith va ralentir, parce qu'en contre-attaque, il va se faire atteindre solidement. Et je pense qu'Alvarez va aller chercher les ventes qu'il a besoin pour aller gagner une décision unanime. OK. Donc, on va surveiller ça de très, très près. Bernard, deux points d'actualité. J'ai parlé tout à l'heure des champions Milo. Là, tu sais, j'ai parlé de Bivol, j'ai parlé de Pascal, mais on peut aussi dire Peterbev. On est-tu chanceux? Ouais. Hey, on parle entre nous autres, on parle en famille. Waouh! Sincèrement, là, Alvarez retourne là. Regarde les possibilités, comment elles sont grandes, comment. Puis ça, c'est le genre de combat que tu peux amener au Québec, là. Tu peux amener soit à Montréal ou à Québec, tu peux vendre. Là, si vous êtes déconfiné, bien, comme de raison. Ça. Oui, éventuellement, mais on peut penser que ça va finir par se placer, mais ça donne quand même une idée qui, il y a quelques années, tu sais, ça fait des années qu'on collabore ensemble, Danny, on n'aurait même pas rêvé, imaginez de dire ce que je viens de dire, là. Tu sais, je veux dire, c'est tellement fou, cette affaire-là, de voir qu'on a deux champions du monde, les Milo, puis qu'Alvarez peut retourner là, c'est comme, wow, on peut pas demander mieux, là, mais là, c'est sûr que le maudit virus nous a rentré dedans, nous autres aussi. Là, on vivrait tellement une belle période, sinon. Hey Bernard, je veux te parler d'Oscar De La Hoya qui confirme qu'il veut revenir à 47 ans. C'est quoi le but? Non, ben regarde, je suis déçu. Quand je vois des grands champions comme ça tenter des affaires qui n'ont pas d'allure. Oscar De La Hoya, grande carrière amateur, médaille d'or aux Jeux olympiques de Barcelone, le seul Américain en 92. Il a été champion du monde, 5-6 divisions de poids. A été exceptionnel, tu sais, tout le monde l'a applaudi à tout rond, mais tu sais, quand c'est fini, c'est fini. On a incarcéré son combat contre Bernard Hopkins quand il s'est fait casser en deux. Il s'est fait casser en deux contre Hopkins, là, puis là, on monte le 10 ans de ça. Tu sais, c'est fini, là. Fait que tu sais, d'essayer, tu as plus que 10 ans, c'est fou, là, mais ces gars-là, c'est tout le temps, à un moment donné, tu sais, les lumières, hein, t'as pas connu ça, Tani, puis moi non plus, là, les lumières, les grosses lumières, là, quand t'es une méga star, méga vedette. Ben tranquille. Quand ta carrière elle se termine, tu es encore une vedette, mais plus les années passent, plus les lumières vont scintiller moins. Et ça, pour l'ego de quelqu'un qui a connu ça, c'est comme une drogue. Là. Donc, de vouloir revenir à l'âge qu'il y a là, ben, ça va juste mal finir. Finalement, on n'a pas besoin. Lui, il a besoin de ça comme d'un trou dans la tête, là, au point de vue de sa réputation, de la grande carrière qu'il a connue, de tout ce qu'il y a de magique en entour de lui, Oscar de la Hoya et sa compagnie de boxe. Ben oui, mais c'est ça. Lui, puis leur donner, on va juste être déçus, là. Et tu peux pas être meilleur, là. C'est comme Tyson, ses deux derniers combats, là, tu sais, c'est vrai que ça fait battre, c'est manger une volée contre des boxeurs McBride, puis l'autre, c'est des boxeurs bien ordinaires, là. Ouais. Puis là, il revient 10, 12 ans, 15 ans après, voyons donc, ça n'a pas, ça n'a ni queue ni tête, tu sais, les gars sont finis, brûlés, ils n'ont plus rien à faire, ils sont plus dans ce sens-là, puis ils veulent essayer de revenir, tu sais, en faisant des mitaines d'entraîneurs dans des vidéos où, le sparring n'est pas bon, tu sais. Hey, non, on n'a pas des câbles. Non. Surtout que ça, t'as-tu ça va coûter 54,95 le combat entre Roy Jones. Ben là, il était remis, là. Mais ça aurait coûté 54,95. Moi, ça se regarde. Quand on parle d'amateur de boxe, je pense que je peux penser que je suis pas mal en haut, comme amateur de la boxe, depuis que je suis petit cul, j'en ai pas manqué beaucoup. Ouais. Mais moi, je mettrais pas cet argent-là pour regarder ça, là. Moi, probablement être curieux, mais je paierais pas pour ça. Fait que c'est sûr que je vais me trouver un siège à quelque part, puis je vais peut-être me prendre une petite bière, puis je vais jaser avec du monde à distance de 2 mètres, mais je vais pas payer pour ça. Mais non, effectivement. Donc, on a parlé tout à l'heure, là, c'était supposé se régler mardi ce soir-là. Au moment où on se parle, il n'y a rien de fait encore. Est-ce que vous attendez est-ce qu'il y a de la pression de fait? Est-ce que vous avez fait des appels à la salle? Non, mais ça donne encore une fois l'idée de savoir comment on est considéré par santé. Santé Salubrité Québec, là, ça donne une bonne idée qu'on n'est pas pesant dans l'histoire, là, c'est au point de vue respect, parce que quand ils sont sortis de là, Camille Stéphane, David Lemieux, Marie-Pierre Roule, on parlait 5-6 jours, pas longtemps que ça a dépassé. Donc, moi, ça m'a tellement affecté, tu sais, par deux fois, Arruda a demandé à David Lemieux et Marie-Pierre Roule, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous oblige à bosser? Oui, comme si c'était un PIM. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous oblige à bosser? Comme si on était les promoteurs de boxe ou les entraîneurs ou les gérants, les PIM. Les PIM dans la prostitution, là. Tu sais, là, tu vas aller boxer, là, tu sais, avec la gomme dans le dos ou le couteau dans le dos. Tu sais, donc déjà là, juste d'avoir posé cette question-là, c'est l'ignorance totale de notre sport. Et puis, c'est des préjugés. Ben il est ignorant, il y a des préjugés. Ben là, on attend à voir qu'est-ce qu'il va dire. C'est moi, je veux pas partir en peur avec ça, il va m'amener des bonnes nouvelles quand il a posé une question stupide de même. Ouais, mais Bernard, c'est au premier ministre à montrer son leadership aussi, à mettre ses culottes. Malheureusement, il ne monte pas dans bien des dossiers. C'est Arruda qui est le premier ministre actuellement, puis à quelque part, c'est pas normal, c'est pas un élu. Ça, c'est un commentaire un peu de même, là. Bernard, ah, mais lui, c'est lui qui a joué au bas du bâton. Ben oui. Fait que, si tu veux, on est poigné pour attendre qu'il nous sacre un coup sur la tête avec. Ouais. Bernard, on s'en parle probablement de quelqu'un qui va avoir une décision que c'est favorable ou pas. À plaisir, mon ami. Bernard Barré. Là, merci. Bye-bye.